à toutes et à tous, bonne année 2019. Au seuil de cette nouvelle année, je présente à tous les auditeurs de notre station nos meilleurs vœux. Je m'adresse et salue tous ceux qui nous ont suivis, écoutés au cours de l'année 2018, qui a été particulièrement tumultueuse, riche en événements, mais aussi difficile pour beaucoup d'entre nous, d'entre vous, année d'injustice sociale qui a suscité les révoltes que l'on connaît, puisque le climat social est loin de s'apaiser en ce début 2019. Je salue et j'adresse mes vœux à tous ceux qui ont répondu à mes invitations à participer à l'émission « La parole est à vous ». Ils ont été nombreux et je ne peux pas tous les citer. Je leur souhaite beaucoup de bonheur, car j'ai partagé des moments inoubliables avec eux et je pense y retrouver lors de cette année nouvelle. Je salue tous mes amis fidèles auditeurs de notre radio locale et adresse tous mes encouragements aux Gilets jaunes avec lesquels j'ai partagé de riches moments. Je souhaite que leurs revendications pour davantage de justice sociale et de démocratie soient enfin partagées par le pouvoir en place. J'adresse mes vœux amicaux aux sans-papiers, à ceux qui les soutiennent dans une lutte difficile, dans un contexte où le plus élémentaire humanisme a disparu, laminé par des lois de plus en plus répressives de par le monde, mais aussi en France, où un délit de solidarité a été voté malgré les protestations de nombreuses ONG. Espérant qu'en 2019, ces réfugiés qui frappent à nos portes, dans une situation de détresse, puissent trouver des personnes, des responsables d'associations, ayant des sentiments humains pour les accueillir, malgré les mesures prises par les gouvernements européens, dont celui de la France, pour les repousser, alors même que les 10 gouvernements ont souscrit à des traités internationaux concernant les apatrides et autres réfugiés. Au jour le jour, nous constatons les difficultés, la lâcheté des gouvernements face à une extrême droite distillant la haine et la xénophobie et aussi le mensonge. J'adresse mes vœux et souhaite une bonne année 2019 à ceux qui, dans le monde syndical et associatif, se dévouent au quotidien. Je leur souhaite que leur aide à tous ceux qui souffrent et qui ont besoin d'aide et de réconfort face à une société de plus en plus inégalitaire, avec les injustices sociales qui prennent de plus en plus d'ampleur sous la férule d'un pouvoir économique qui règne quasiment sans partage. Je forme des vœux pour que la situation sociale s'améliore et que la précarité, le chômage diminue à défaut de se résorber. Nous souhaitons que la désertification de nos vallées cesse, que les services publics retrouvent leur place dans notre quotidien. J'adresse tous mes vœux de réussite à Convergence citoyenne et à ADEMAT dans leur lutte pour améliorer les services publics, leur intervention pour une plus grande démocratie et garantir l'accès aux soins aux habitants de nos vallées. J'adresse mes meilleurs vœux et amicales salutations à tous les animateurs de notre station qui continuent, malgré les difficultés, à faire prospérer notre radio locale dans son originalité et son expression indépendante du pouvoir économique qui pèse sur la plupart des médias. Bonne année à toutes et à tous, restez fidèles au 107 et n'hésitez pas à vous exprimer sur nos ondes et notre site. À bientôt !